tout le monde, vous êtes dans la voie des guerriers, puis on a un invité avec nous, c'est Steve, Stéphane, le frère de Steve. Puis j'ai dit Steve parce que là, il vient de repartir sa carrière, alors c'est sûr qu'on va en parler, mais d'abord, on souhaite la bienvenue à Stéphane Vigneault. Salut Stéphane. Salut. Ça va bien toi? Oui, très très bien même, depuis le dernier Ringside, ça va encore mieux. Oui, puis parle-nous de ta carrière. Là, on sait que tu as eu une blessure sévère à l'œil. Est-ce que ta carrière va repartir dans les prochains mois? Ben, l'œil, c'est réglé. Là, c'est maintenant, on va dire que j'ai subi une opération au genou au mois de août, la même opération de Patrick Côté, ACL. Ça fait que, je veux dire, au mois de mars, je devrais être correct pour recommencer l'entraînement, mais c'est une autre blessure qui prend comme 6-7 mois à guérir, 6-7 mois normalement. Fait que, au mois de mars, ça va être mon 7e mois. Au mois de mars, je vais avoir l'autorisation de pouvoir m'entraîner au niveau plus que ce qui est combat. Fait que, je veux dire, moi, ça va être au jour le jour, anyway. Ça va être pas au jour le jour, mais on va dire au moins le mois. Je veux dire, le genou, c'est pas quelque chose vraiment de très sérieux. Je veux dire, du coup, ça va être réparé puis tout bien guéri, il n'y a pas de problème. C'est plus au niveau de l'œil. Je veux dire, j'ai l'œil, maintenant, j'ai une myopie à l'œil gauche de moins 9, qui est énormément à cause des opérations à l'œil que j'ai subies. Fait que, on va voir ça en temps et lieu. Disons qu'il n'y a rien qui me presse. Oui, puis aussi l'œil, je pense, c'est le plus gros problème, là, c'est en plus de ta myopie dont tu nous parles assez sévère, c'est que ça reste toujours délicat, hein, je pense. Ben c'est ça, ça a plus. Je veux dire, c'est quand même solide, mais ça a quand même plus de risque de détacher encore la rétine. Je veux dire, après deux fois, ça peut détacher facilement une troisième fois. Je veux dire, c'est sûr que on va voir en temps et lieu. Ça ne me tente pas sûr de perdre mon œil, ça c'est certain. Là. Mais, je veux dire, on va voir quand on sera... Après, mon jeu va être correct, que j'aurai recommencé l'entraînement. On verra si moi j'ai le goût de prendre le risque ou pas, on verra en ce moment-là. Puis ton genou, c'est une blessure à l'entraînement ou? Oui, même chose, c'est une blessure que j'ai eue avant l'été. J'ai eu ça avant l'été, j'ai eu peut-être ça au mois de mai. Je veux dire, je voulais pas me faire opérer pendant ce temps-là à cause que je voulais pas passer l'été avec une jambe maganée. J'allais en vacances voir ma famille aux Îles-de-la-Madeleine et je voulais profiter de la plage et du bateau, etc. Fait, je suis opéré le 31 août. Puis, je veux dire, après du 31 août, faut que tu calcules à peu près 7 mois. Fait, mon docteur m'a dit au mois de mars, je devrais être correct pour faire du jiu-jitsu. Puis, un mois avant, peut-être à la boxe. Fait, présentement, là, je peux faire les poids et haltères, ces choses-là. Il y a des choses que je peux pas faire au niveau du cardio, là, c'est sûr. J'ai une attelle qu'il faut que je porte en tout temps. Mais on va bien guérir ça. Là. On va essayer de pas ce qui arrive comme pas de côté de faire deux opérations. Lui, ça avait guéri et ça a reblessé et ça va faire réopérer. Donc, on va essayer de bien guérir ça pour pouvoir y retourner. Ben, on va suivre ça, Stéphane. On veut voir ce qui se passe avec ta carrière de combattant. Mais entre-temps, on sait que tu es quand même bien occupé. Tu tiens toujours près du MMA local, surtout, entre autres. Alors, parlons un peu de ce qui se passe sur la scène québécoise, parce que ton frère, Steve, a fait un retour, puis en plus, avec succès, alors qu'il l'a battu au dernier ringside à Drummondville, un combat face à Dan Chambers. Parle-moi de ton frère. Est-ce que ce combat-là est signe qu'il veut poursuivre encore sa carrière pendant quelques autres combats, quelques années? Ah, c'est sûr qu'il veut poursuivre. Je veux dire, moi, dans ma tête, sans qu'on en parlait vraiment, je savais que Steve, ce combat-là, c'était comme... c'était je continue ou j'arrête. Ça fait que je savais qu'une victoire allait le faire continuer, puis c'est venant une défaite qu'il allait mettre fin à tout ça. Puis, je veux dire, s'occuper de ses gars, faire d'autres choses, rester dans les mémoires, mais peut-être plus combattre. Je savais que s'il gagnait, par exemple, il allait revenir. Puis, je veux dire, on n'en prenait pas un adversaire facile. Je veux dire, Dan Chambers, c'est un gars quand même, oui, il y a peut-être 13 victoires, 12 défaites, mais il y a peut-être 12 défaites, mais si vous regardez ses défaites, c'est face à des gars comme Jonathan Goulet, des gars comme Joe Riggs, Nabil Khatib, c'est tout contre des bons combattants que ses défaites. Puis sur ses 13 victoires, il y a 12 KO. Ça fait 14-12 KO sur 13 victoires, ça veut dire que tu frappes fort, ça veut dire que t'es bon debout. Puis c'est un gars qui était gros, c'est un gars qui était grand. Il y a du monde qui me disait que c'était un bon combo pour Steven. Un autre qui disait qu'il pensait que j'y allais un peu fort en prenant Chamber pour un retour après 3 ans d'activité. Mais moi, je croyais en les moyens de mon frère. Il s'entraînait fort. Je veux dire, c'est 2 ans qu'il essayait. Pas 2 ans, mais 1 an et demi qu'il essayait de revenir. Il avait toujours des blessures. Puis, il pouvait pas revenir. Tout a été bien. Son entraînement était super bon. Il s'entraînait à TriStar avec Firas toutes les semaines. Il mettait les gants avec toute l'équipe de TriStar, les gros noms qui viennent s'entraîner avec nous, toute notre équipe. Puis, je veux dire, il est arrivé dans le ring, c'était un nouveau, dans la cage, c'était un nouveau style. Puis, on vous l'avait vu, je veux dire, ça a été tout un combat, oui. C'était une guerre, mais on a vu, je veux dire, des choses que Steve faisait pas avant, les coups de genoux, les coups de coude, toutes des choses qu'on travaillait. Puis, on dirait que c'est un nouveau Steve, un peu, là. Oui, puis c'est quand même Dan Chambers dont tu nous parles, qui était son opposant, je pense, a entamé sa carrière en 2006, au moment où ton frère a pris sa retraite. Puis, bon, Chambers a eu le temps de faire quoi, 25, 26 combats entre-temps, alors que ton frère était inactif. Est-ce que ça a été difficile pour ton frère, dans les premières minutes du combat, de se sentir vraiment à l'aise sur la surface de combat? Mais je veux dire, moi, quand je parlais avec Steve après le combat, je veux dire, Steve m'a dit que lui, un coup que ça a été parti, ça a été comme avant. Je veux dire, Steve, c'est un gars qui combat depuis sa jeunesse. Il a fait son premier combat en amateur en kickboxing, il avait 14 ans. Il a fait des combats de kickboxing amateur. Je me souviens, il avait perdu son premier combat à l'âge de 14 ans, puis après ça, il a gagné ses 5 contre d'après par KO. Je veux dire, c'est un gars qui combat depuis sa jeunesse en kickboxing, en boxe, en jiu-jitsu, challenge jiu-jitsu, en compétition de jiu-jitsu aussi, en kyokushin. Je veux dire, il a compétitionné toute sa vie. Fait que c'est comme je le disais avant le combat, c'est un combat parmi tous tes combats. Je veux dire, ça n'a pas pris de temps avant de se réhabituer. Le gars, il a combattu toute sa vie. Il n'y a rien de nouveau qu'il va voir dans ce. Dans le combat, il n'y a rien qui va arriver qu'il n'aura jamais vécu. Son dernier combat était à l'UFC. J'avais dit à Steve, j'ai dit, c'est pas l'UFC, là. Je veux dire, il n'y a pas de stress à avoir. Il n'était pas nerveux. Arrivé dans le ring, il était super, super calme. Puis, je veux dire, il a pas suivi vraiment le plan qu'on voulait. Mais, je veux dire, on ne voulait pas entamer une guerre. Mais, je veux dire, Steve, c'est un gars qui a toujours fait des guerres. Puis ça a venu un combat comme ça. Puis je veux dire, les fans ont aimé, c'était tout un combat. Puis non, Steve, il va. C'était drôle de voir. C'était un nouveau Steve. J'ai suis Steve depuis le début de sa carrière, je suis avec lui toujours. Mais même, là, on dirait qu'il est devenu plus complet. Je veux dire, il s'est entouré d'entraîneurs. Puis avant, Steve s'est beaucoup entraîné par lui-même. Il avait seulement un entraîneur de boxe, puis il venait mettre les gants avec nous. Mais là, il s'est entouré de des meilleurs qu'il n'y a pas, là. Firas Zahabi, tout le monde de TriStar, plus il allait s'entraîner avec sa propre équipe à lui aussi qui a agrémé où il habite. Puis je veux dire, à un moment donné, quand tu mets les gants toutes les semaines avec des gars comme Tom Murphy, qui pèse 240 livres de muscle, qui est un athlète du UFC, de Martin Dizelet, Georges Saint-Pierre, David Loiseau, je veux dire, quand tu arrives dans la cage avec les autres personnes, là, il n'y a aucun stress à avoir, là. Puis est-ce que tu penses, j'imagine que ça fait très mal hein, pour Steve, sa défaite en 2006 face à Mike Swick. Je pense que c'est un combat où il y a pas Steve est capable de beaucoup mieux que ce qu'il nous avait présenté. Beaucoup mieux, mais ce qui est arrivé avec le UFC contre Mike Swick, ce qui est arrivé, c'est que Steve, à son dernier combat qu'il a fait à Montréal, était contre Jason Saint-Louis, la revanche. Il avait gagné contre Saint-Louis par KO. Puis c'était à 170 livres. Steve était petit dans ce temps-là. Puis il était encore petit quand le UFC a offert le combat. Sauf que l'UFC donnait deux choix. Il donnait Mike Swick à 185 ou Diego Sanchez à 170. Diego Sanchez, dans ce temps-là, était un très mauvais match-up pour Steve. Oui. Puis, je veux dire, on sait tout ce que Diego Sanchez est rendu. Puis on s'est dit, le meilleur des deux, c'est Mike Swick. Je veux dire, Mike Swick va venir pour se battre debout. Puis, c'est pas un pur grappler. Oui, il est bon en soumission, mais je veux dire, c'était pas un pur grappler. Puis, je veux dire, c'était le meilleur match-up que pour Steve. Ça fait que Steve est monté à 180, il est remonté à 185 pour ce combat-là. Il a même pas fait de coupe de poids. Il a perdu peut-être 3 livres pour faire la pesée. Max Swick est un géant devant lui. Puis, je veux dire, il était au UFC sans stress. Je veux dire, son but, c'était d'aller là au moins une fois dans sa vie, combattre au UFC. Puis, vivre, c'était quoi? Se battre à Las Vegas, à se battre là-bas avec toute la gang. Puis, je veux dire, il a bien aimé l'expérience, même s'il n'avait pas gagné. Je veux dire, il a bien aimé l'expérience. C'est juste que quand il est revenu à Montréal, il a pris un petit time off pour son travail. Puis ensuite, il s'en suivit les blessures et il a été off pendant 3 ans. Il était malchanceux. Je veux dire, pour lui, Steve, c'est plus important une performance ici devant ses fans au Québec comme contre Chamber qu'un combat contre Mike Swick au UFC. Steve n'est pas quelqu'un qui va aller au niveau comme ce qui est rendu Georges Saint-Pierre ou ces gars-là qui vont se. Des gars comme Georges ou David Loiseau ou Pat Côté qui s'entraînent à temps plein, qui se battent à temps plein, c'est leur vie, présentement c'est leur job. Puis Steve, il a fait ce qu'il avait à faire dans les années passées, quand il était au top de sa game au niveau de UFC TKO. Puis je veux dire, le UFC, c'était une expérience. Puis pour lui, c'est plus important les performances qu'il fait devant ses fans, devant sa foule, que devant les Américains. Stéphane, tu parles du combat qu'il y a eu à Las Vegas. Je serais intéressé, vu que ton frère était peut-être, si on veut, moins connu, c'était sûrement pas avec un gros budget, vous êtes allé là-bas. Combien de jours avant le combat, vous arrivez à Las Vegas dans ce temps-là? Le combat était le samedi, on est arrivé le mardi. Le mardi matin, on prend l'avion, puis on arrive là jusqu'au dimanche, en fond. Et si on regarde les plus grandes stars du TriStar, est-ce que c'est similaire ou est-ce qu'ils vont arriver Et avant? tout est la même chose, à moins s'il y a des choses spéciales. Je sais que les combats sont en Europe, vu que le décalage horaire, c'est sûrement différent, mais quand c'est à Las Vegas, ça a toujours été la même chose. Moi, j'y étais deux fois, j'y étais avec George et Ivan Menjivar à UFC 47, je pense, ou 43, je ne me souviens plus. Pas 43-47, quand Ivan s'est battu contre Serra, puis c'était la même chose. Puis je regarde quand les autres gars partent pour la UFC, c'est toujours pas mal, sensiblement, les mêmes temps qu'ils partent le lundi ou le mardi. Sauf quand c'est en Europe. Peut-être qu'en Europe, il y a des gros décalages horaires, c'est pas la même chose. C'est sûr que là, UFC, je pense que ça va en Australie, ça va être vraiment différent. Fait que c'est toujours dépend où ce qu'est l'événement aussi. Et si je me trompe pas, Stéphane, lorsque ton frère a fait son combat au UFC, il y avait comme une thématique lors de ce gala-là, qui était le Canada contre les Américains. Ah, ça, c'était quelque chose parce que, je veux dire, on se faisait haïr. On se faisait pas très aimer. Ça criait Kill, Kill Canada. C'était quelque chose. Mais c'était quand même une bonne expérience. Je veux dire, c'était le fun. Steve, il a vécu une bonne expérience là-dedans parce que le UFC, 3 semaines avant le combat, il l'a fait monter pendant 2 jours à Vegas pour prendre des photos puis filmer des choses. Puis, je veux dire, il avait jamais été à Las Vegas. Je veux dire, il a passé une journée à se promener. Après, il l'a renvoyé ici. Il continue son entraînement. Puis, je veux dire, il a fait faire le combat. Steve, c'est sûr que si Joe Silva, je veux dire, régulièrement j'envoie des messages à Joe Silva, puis à Sean Shelby, des personnes de WC partout pour les gars. Puis si Joe Silva me dit qu'il m'offre un bon combat pour Steve à 170, c'est sûr qu'on va le prendre, c'est certain. Je veux dire, si Steve a la chance de retourner un jour sur battre-là, on va y aller, ça c'est sûr. Mais c'est pas sa priorité, je veux dire. Ce qu'on veut, il veut se combattre ici, il se bat ici, je veux dire, il fait quand même des bonnes bourses ici, il se bat devant son monde, il aime ça. Puis, je veux dire, il se bat pas pour l'argent. Il n'a pas idée de faire comme George ou ces gars-là qui sont rendus des grosses vedettes. Je veux dire, son temps, il est fait, c'est sûr, il sait. Puis, je veux dire, comme le combat contre Dan Chamber, c'était plus un combat pour prouver à lui-même qu'il pouvait encore combattre que pour l'argent. Et tout simplement, j'ai réussi à avoir. J'avais des commanditaires de mon frère, puis mon frère me disait, de peu importe, il dit, au moment où je suis rendu là, c'est pour moi-même. Le reste, ça compte plus, je veux dire. C'est une question de. Nous autres, ça a toujours été une question de fierté, beaucoup de fierté personnelle dans notre famille, ces choses-là. Oui, c'est. Moi et Ken, on discute souvent de ça dans notre émission de radio. Et moi, je prends souvent des exemples comme Randy Couture et tout. Parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour justement des gars comme ça qui veulent tout simplement continuer. C'est le fun à voir parce que ça, c'est du monde qui aime vraiment leur sport. Alors, c'est très beau à voir. Juste vous donner un exemple. C'est pas un gros exemple, mais Dan Chamber n'a pas fait le poids. Puis normalement, tu perds 20% de ta bourse. Puis on a dit non, gardez-les, on le veut pas. On a accepté le combat plus haut de poids. Steve n'allait pas le combattre là pour l'argent ou parce qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a une bonne job. Il n'a pas besoin de combattre. Il y a un très bon job bien placé. Il n'a pas besoin de combattre. Il pourrait arrêter demain matin de tout faire. Mais c'est un gars qui s'est toujours entraîné toute sa vie. Puis je veux dire, c'était pour prouver à lui-même qu'il pouvait encore combattre. Je veux dire, il a juste 31 ans. Le monde, des fois, pense pas ça. Mais Steve va seulement 31 ans. Ah oui, tu me Il a surprends. l'air plus vieux. J'ai 27, il a 31, donc 4 ans de différence. Fait que, il veut juste prouver à lui-même qu'il est encore capable d'aller se battre. On a vu qu'il a encore une mâchoire. Il a mangé des bons coups contre Chamber. Le Chamber était gigantesque devant lui. Puis Steve va pas couper de poids. Steve est arrivé à 183. Il pèse 125, 180, des fois 190. Il a pas coupé de poids puisqu'on voit là. Il a coupé peut-être 2 livres en tout. Puis, le Chamber est arrivé, il était un géant, il a atteint Steve avec des bons coups. Steve a pas. Ça n'a rien fait. Il a encore vu qu'il était capable d'être là. Puis, c'est ça qu'il voulait se prouver à lui-même. Parce que ton frère a été vraiment l'un des pionniers, un de ceux qui ont ouvert les voies, justement, pour les Georges St-Pierre, David Loiseau, Jonathan Goulet, puis tous les autres maintenant qui sont rendus au UFC ou dans d'autres organisations prestigieuses. On peut comparer Steve un peu comme Stéphane Ouellet l'était à la boxe. C'était Ouais. un peu la même chose, je veux dire. Stéphane Ouellet était une immense vedette locale. Stéphane Ouellet va se battre demain matin au Centre Bell, il va encore avoir 20 000 personnes. Je veux dire, c'est pas la même chose. C'est un peu la même chose. C'est sûr qu'il n'y a pas 20 000 personnes qui est très bas, mais c'est un peu la même chose. Le monde dit, ah, Steve Vignon, je vais aller voir ça. Et c'est, je veux dire, il est arrivé dans le début du sport avec l'oiseau, avec tout le monde. Puis ses combats ont toujours été des combats excitants. Il donnait tout. Puis Steve, c'est un gars qui a l'air de quelqu'un qui marche dans la rue. Il a pas l'air d'un Hulk ou de poster boy, je veux dire, c'est un gars bien normal, puis je veux dire, c'est ça que le monde aime de Steve. Oui, puis qu'est-ce qui se passe là, avec lui dans les prochains, à court terme, là? Est-ce que vous avez déjà des combats de prévus? Ben, c'est sûr que là, il y a le MFL qui va avoir au mois de mars et aussi Ringside au mois de janvier. Steve pourra pas être de la carte de Ringside au mois de janvier. Okay. Mais peut-être qu'il va être de la carte du mois de mars. C'est sûr qu'on m'a parlé, le promoteur veut avoir Steve sur sa carte. Je vais aller parler avec lui les prochaines semaines pour ça. Je veux dire, mais Steve veut combattre. Il me l'a dit encore. Il a dit deux, trois autres combats, il dit tout de suite sûr. Je veux dire, tant qu'il va gagner, je sais qu'il va rester. Mais je veux dire, ça toujours dépend comment le combat va aller. Je veux dire, mais moi, je dirais, il est bien entouré, puis il va être encore mieux entouré parce qu'il va descendre encore plus s'entraîner avec nous. Puis on va, je veux dire, je suis sûr qu'il va devenir meilleur. Je suis sûr qu'il a pas encore. Il a peut-être eu son pic un peu dans le temps de UCCTKO quand il était champion. Mais moi, je pense qu'il peut remonter aussi haut, puis je crois en lui, puis c'est pour ça que je l'aide énormément comme ça. Stéphane, je pense que tu es agent aussi pour quelques autres combattants. Hein? Oui, je m'occupe de Steve, je m'occupe de Dalen Logan, de Leonard Terrence, qui est un amateur qui va débuter sa carrière professionnelle au mois de mars sur ma MFL. Okay. J'ai aussi Louis-Philippe Carl qui va combattre le 12 décembre à REC. J'ai rendu 5 victoires en défaite. Il va combattre contre Yannick Galipo. C'était un remplacement de dernière minute qui a été fait hier soir. Alex Song a été déclaré forfait, était blessé. Galipo, il prend le combat. Il prend le combat contre Louis-Philippe. Puis j'ai aussi Guillaume Vigneault qui est dans l'amateur, qui va faire son dernier combat amateur au Fight Quest, puis qui devrait faire sa carrière. Il va passer professionnel en 2010. Puis alors, le gars, il domine complètement l'amateur. Oui, puis lui, il vient de la belle ville de Québec, je pense, Guillaume Vigneault. Guillaume Vigneault vient des Îles-de-la-Madeleine, mais il avait déménagé à Québec pour étudier. Okay. Il a fini son université, il voulait venir s'entraîner à Montréal, il voulait venir s'entraîner où on s'entraîne à nous avec la gang du Tri-Star, puis il est déménagé ici. Guillaume Vigneault est quelqu'un des Îles-de-la-Madeleine, c'est quelqu'un qui est de ma famille de loin, puis je veux dire, parce qu'on dit, le genre de Vigneault, on est tous proches, c'est comme un petit cousin, puis je veux dire, on se connaît tous, puis il voulait venir s'entraîner avec les Vigneault, je veux dire, c'est les Îles-de-la-Madeleine, c'est une petite ville, c'est 12 000 personnes. Je veux dire, moi, mon frère, on est très connu là-bas à cause de ce sport-là. Puis, je veux dire, lui, il voulait venir s'entraîner où qu'on était. Puis, il savait aussi que s'entraîner avec les Georges Saint-Pierre, avec Firas Abi, je veux dire, tu te trompes pas à quelque part. Je veux dire, si tu veux faire carrière dans les MMA, puis t'es au Québec, c'est la place où il faut que tu essaies d'aller. Hein. Stéphane, j'aimerais ça savoir, dans les dernières années, avec le succès de Georges Saint-Pierre, la montée de l'UFC, est-ce que vous voyez de plus en plus de jeunes venir s'entraîner? Est-ce qu'il y a plus que, disons, il y a 4-5 ans de monde qui veulent venir apprendre le MMA? Moi, je suis avec Fira, ça doit faire probablement de 7 ans, un tracteur. Moi, j'étais avec Georges depuis le début. Georges, son premier combat, on était tous sur la même carte. Moi, lui, Jabouin, on était tous sur le même gala. Puis après ça, on est venu tous s'entraîner à TriStar. Puis, on était une petite gang, puis ça a grossi. Puis là, genre, j'ai commencé à devenir populaire ici au niveau de TKO. Après, il est passé au UFC, il a commencé à amener le gros là-bas. Puis il a amené le gros de plus en plus gros. Puis là, juste vous dire, le TriStar, à la moitié de la popularité que George est devenu, le TriStar a rénové et a grossi de double. C'est rendu une place gigantesque. Le nombre maintenant de membres, c'est énorme. On parle de Firas lui-même. Firas Abi lui-même donne des cours de groupe. C'est son gym. Puis des fois, il peut avoir des classes juste pour le MMA de peut-être 80 personnes. Puis on parle d'un gym qui offre des cours de MMA, de jiu-jitsu, de boxe, de kickboxing, de Muay Thai, de lutte. C'est pas juste du MMA. Et ça commence à quel âge? J'aimerais ça savoir. On a peut-être des gens, le plus jeune que j'ai vu, peut-être autour de 14-15 ans, mais c'est sûr qu'il y a des personnes qui font des classes en privé qui sont plus jeunes. J'ai vu des enfants de 9 ans en privé en cours de Muay Thai. On a une très grosse équipe d'entraîneurs. On a 3 Thaïlandais qui sont des très bons entraîneurs de Muay Thai. On a des entraîneurs de kickboxing, de lutte, de boxe, de tout. C'est surtout de différent, mais juste Georges Saint-Pierre a tiré. C'est sûr que Georges Saint-Pierre a créé une grosse publicité avec TriStar. Puis, le gym en a bénéficié, ça c'est certain. Firas en a bénéficié, ça a donné une grosse publicité à Firas. Puis, tous les gars qui sont venus s'entraîner avec nous des États-Unis et de partout au Québec aussi. Juste au Québec, je vais vous dire un nom. un nom que beaucoup de monde connaît et qui vendait avec nous. Guillaume de Lorenzi vient de se commencer à s'entraîner avec nous. Je veux dire, ça grossit, puis Ferras est rendu avec un gros nom, puis ça, pas juste du monde de l'extérieur, des fighters, tout le monde qui fait que le gym est rendu beaucoup plus gros. Hey, je pense qu'il y a Alexio Garcia, je pense que j'ai vu. Est-ce que lui... Alex Garcia a déménagé de la République dominicaine pour venir s'entraîner avec nous. Ça, c'est loin, là. Il n'a jamais encore vu l'hiver, le gars. Il va l'avoir la première cet hiver, là. Puis lui, c'est un gars à surveiller. Vous l'avez vu au MFL, c'est un gars agressif. C'est un gars qui est très fort physiquement. À 170 livres, il va être très dangereux, très, très dangereux. Il a 4 victoires, 0 défaites, là. Je sais, il y a 3 autres combats qui ont été faits en République, je crois. Puis son premier combat qui a été fait ici au mois de... Ben, au dernier MFL, là. Oui. À la MFL, il avait affronté un certain T.G. Coletti. C'était... Est-ce que Je connais pas beaucoup d'autres combattants. On m'a dit que c'est sûr que l'autre combattant est peut-être pas le même niveau qu'Alex. Mais il faut pas juste regarder ça. Il faut regarder la façon que le combat s'est déroulé. Je veux dire, Alex, moi, je vais au gym. Puis c'est sûr que ce gars-là, c'est un animal. Là. C'est un vrai combattant. Là. C'est un gars qui entraîne avec tous les gars à tous les jours. Là. C'est un vrai professionnel. Il va être à surveiller. Il va être très, très à surveiller. OK. Ben déjà, physiquement, il a l'allure d'une bête. Puis bon, c'est un gars qui a une base en judo, je pense. C'est ceinture brune ou quelque chose comme ça en judo. Il y a une base de judo plus un pas mal de jiu-jitsu aussi. Puis là, il entraîne beaucoup en Muay Thai et en lutte. Il entraîne à 100% à TriStar avec Firas et toute l'équipe. OK. Ben, lors de la soirée de la MFL, il y a aussi d'autres noms... bon, il y a Marcus Célestin qui avait bien fait, je pense. Pour lui, Marcus, il avait été. Marcus avait été out depuis une couple d'années. Il avait un bon emploi aussi. Il travaillait beaucoup. Il s'entraînait. Il se blessait. Les combats qui s'annulaient aussi. Là, il a fait un beau combat contre le gars de la. Je me souviens plus du nom. Blackburn. Oui. Blackburn, de Mark Blackburn. Là, il a fait un bon combat. Je ne peux pas vous dire quand il va recombattre. Peut-être au prochain MSL. Mais je sais pas. Je sais qu'il s'entraîne très fort présentement. Je n'ai pas parlé un peu avec lui, là, mais d'après moi, il devrait combattre dans les prochains galas lui aussi. Il y a Tom Murphy aussi qui combat dans les 205 livres, si je me trompe ouais. pas. Il y a une rumeur qui voudrait faire que Tom Murphy affronterait Ozzie Bruno à MFL. Ah, OK. Ah, ben c'est intéressant. À part Tom Murphy, il y a Derek Gauthier qui a affronté Mike Medrano, que je connaissais absolument pas lors de cette soirée-là. Mais le gars était beaucoup plus petit que Gauthier, avait une très bonne musculature, beaucoup de cœur. Gauthier, c'est un gars peut-être qui n'a pas le... On va dire, Gauthier, c'est un gars qui n'a peut-être pas le talent d'un genre... Le talent d'un... C'est pas le plus talentueux dans le gym. Mais c'est un gars qui travaille tellement fort, puis dans le combat, il travaille fort. Je veux dire, c'est un gars qui va aller loin aussi, je veux dire, direct. Il va aller très loin, puis non, je pense qu'il va combattre lui avec peut-être au MFL, je sais pas où, mais je sais qu'il y a un combat de prévu bientôt dans les prochains galas. Je pense que c'est à Ringside qu'il va se battre. Ringside, okay. Au prochain Ringside, au mois de janvier. Est-ce qu'il s'entraîne aussi au Tristan de Rigaudi? Non, oui, je pense. Il s'entraîne à TriStar maintenant. Okay. TriStar est rendu une très grosse équipe. On parle de Derek, de Mehmet de Lorenzi qui est arrivé, Guillaume de Lorenzi, depuis 2 semaines. Guillaume de Lorenzi vient juste de revenir de Boston. Il était parti à Boston avec Firas, entraîné avec Kenny Florian pour une semaine, pour l'aider pour son combat contre Eden Guida. Puis Kenny Florian, justement, est à Montréal. Il est arrivé cette semaine. Il est ici pour toute la semaine, pour préparer pour son combat contre Guida aussi. Stéphane, je sais pas, moi j'ai remarqué Clay Guida est rendu avec Greg Jackson puis Florian va s'entraîner avec Firas. Est-ce qu'il y a un peu de compétition amicale si on veut entre les deux ou... Ben, nous on a une association avec on a une genre d'association avec Greg Jackson, l'équipe de Firas, tout d'habillement. Je veux dire, les gars de Jackson, Marquardt, Jardine, tous ces gars-là, ils descendent très souvent entraîner avec George, entraîner avec nous. Puis, ça arrivait souvent que les gars ont été là-bas. La dernière fois, Thierry, Richie, Flora, George, ils ont tous été entraînés là-bas. Mais c'est une genre d'association. Mais comme quand le combat a été signé, Guida puis Florian, je veux dire, Florian venait d'arriver avec Firas. Puis, il n'y a pas vraiment de compétition. C'est des choses qui arrivent. Je veux dire, on peut pas. Je veux dire, c'est comme quand j'ai un de mes gars de Zadie Mema dans mes choix amateur Fight Quest. Combat contre un gars de l'équipe à mon frère. Je veux dire, Firas est dans le coin de son gars, puis mon frère est dans le coin de son gars, puis mon frère s'entraîne à TriStar. C'est des choses qui arrivent. C'est pas comme si, je veux dire, on va dire Florian se battrait contre Mike Richie. Ça arrivera jamais, mais je veux dire, c'est un exemple. Florian, il va pas entraîner à Jackson nulle part. Je veux dire, il vient juste entraîner à Boston et entraîner avec nous. Puis Gaeta, lui, entraîne là-bas. Il n'est jamais venu à Montréal. Il est venu ici à Montréal une fois. Mais je veux dire, il est venu entraîner avec nous une fois, je peux pas vous le cacher. Pendant le dernier UFC, il est passé une journée au gym, il est venu rouler avec les gars. Mais ça a été tout. Je ne fais pas partie de l'équipe ou nulle part. Pas rien d'autre. Juste un combat comme un autre. Maintenant, je pense que John Jones aussi, c'est un autre qui a commencé à aller. Oui, John Jones est venu très souvent. Il va revenir bientôt encore. Il était là peut-être un mois. Puis il va revenir encore. Son prochain combat, c'est contre Matt Hamill. Ça risque d'être un très bon combat. Hey, oh. Puis, je vais vous dire quelque chose. J'ai rencontré John Jones. Il est grand, mais je pensais pas qu'il était aussi grand. Puis je pense que c'est une portée gigantesque, surtout des bras de mutant. Les kicks, c'est des... J'avais juste vu à la TV, moi. Je l'ai vu avant moi, puis il y a comme deux têtes de plus que moi, puis il y a des grands jambes. Puis non, c'est un très bon combattant. Je l'ai vu aller, sa lutte, c'est incroyable. Et moi, ce qui m'impressionne beaucoup chez lui, c'est il me semble qu'il a l'air d'un athlète naturel, ou ce que c'est juste un excellent athlète. C'est ça, puis on parle pas d'un gars qui a énormément d'expérience, hein, mais moi, il est 6-7-0. C'est pas un gars qui a 30 combats, là, puis il a l'air calme dans les combats. Je veux dire, quand il a fait son combat contre Stephen Bonner, c'était quelque chose d'impressionnant. Là. Bonner arrive avec une fille d'une quinzaine de combats, lui arrive avec 6-7 combats, puis il a fait passer Bonner pour un débutant quasiment. Pendant 3 rounds, il l'a envoyé partout, va laisser dans la cage. Oui, je trouve ça intéressant, Fred, tu nous dis ça, un athlète naturel. Il fait penser un peu à Usain Bolt, là, au 100 mètres, là, aux derniers Olympiques, qui a tout raflé, puis il a dominé tout le monde. John Jones a l'air naturel, mais il est très jeune quand même, je pense qu'il n'a même pas 22 ans. Là, il va rencontrer Matt Hamill, un autre gars qui est solide dans la lutte, puis je pense qu'il a une force musculaire, Matt Hamill, assez impressionnante, puis... C'est ça j'allais dire, je pense. Le truc, je pense, c'est de le frapper au corps, un peu comme Rich Franklin avait utilisé pour le battre. Mais quelqu'un m'avait dit pour Matt Hamill, je sais pas si c'est vrai, là, c'est peut-être un peu stupide, là, mais quelqu'un m'avait dit, par le fait que Matt Hamill, il est sourd-muet, le chose dans la tête qui fait l'équilibre, il l'a pas. Ben, je sais pas si c'est vrai ou pas, là, mais j'ai trouvé ça drôle, la personne qui m'a dit ça. C'est vrai que quand on mange un bon coup, souvent on subit un déséquilibre, quand on mange un coup près de l'oreille. Okay. Et lui, le fait qu'il est sourd-muet, peut-être que ça lui fait rien. Quelqu'un me disait ça. Et le gars, il a mangé énormément de coups de poing, il n'est jamais tombé. Oui, je me souviens, je pense que c'est comme Tim Boach, un coup de genou, puis la lèvre était fendue, là, de manière... Il recule jamais, il avance toujours. Oui, ça, c'est un combat, moi, qui m'intéresse beaucoup. John Jones, je me souviens, lorsqu'on avait fait une émission dans l'Octogone avec Marco, d'ailleurs, Marco, qui a passé à autre chose présentement, mais je le salue, Marco Poulain, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à faire des émissions également. On a découvert un peu John Jones ensemble, il venait de faire son combat contre Stéphane Bonnard, puis tout le monde était assez ébahi, le gars, c'est plein de talent, mais je pense que ça va être un combat qui va être difficile pour lui, Matt Hamill, ça va être un beau défi. Je me souviens quand on avait prédit le combat Marquardt contre Damon Maia. Finalement, on n'a pas eu droit à tous les combats. Non, on a eu 3 secondes de suspense. C'est vrai, ce combat-là, on en avait parlé. Je pense avant que le combat soit prévu, on parlait de Damon Maia puis Marquardt. Puis moi, j'adore Damon Maia. Puis je pense qu'il va revenir en force. Mais Marquardt, c'est un autre qui s'entraîne également avec Greg Jackson. Est-ce qu'à l'occasion, vous l'avez vu également au Tristan? Marquardt est le gars qui vient le plus souvent. C'est le gars qui vient le plus souvent pour aider George. Puis moi, j'ai vu Marquardt aller avec tout le monde, pas juste avec George. Puis ce gars-là, c'est un athlète incroyable. Je veux dire, le gars, il doit peser 192 livres, puis il se bat 185 livres, mais il est lean. Là, il m'aurait paru plus gros que ça, même. Ah, s'il est athlétique, c'est incroyable. C'est un des gars les plus athlétiques que j'ai vu après George. J'ai enlevé les gars comme George puis Ivan Menjivar, quand il a 155 livres, là, quand il est à 100%. Ces gars-là, c'est des athlètes incroyables, mais... Moi, quoi, Non, c'est tout un athlète. Au terme du conditionnement physique, c'est un gars comme George. Moi, ça serait mon choix pour affronter Anderson Silva en ce moment, parce que je pense que Nate Marquardt aussi est beaucoup plus mature maintenant que la première fois qu'il l'a affronté et beaucoup plus complet. Il me semble, je sais qu'il avait déjà beaucoup d'expérience à ce moment-là, mais dans les dernières années, moi, j'aime beaucoup Nate Marquardt, qu'est-ce que je vois dans la cage de sa part. C'est un de mes combattants préférés, moi aussi. Je vois combattre toujours des combats excitants, puis Puis non, c'est vrai, là, Derek a monté une petite coche depuis le combat contre Silva, puis ce serait le fun à voir, mais il y a quand même une couple de personnes qui est en liste pour Silva. Mais je veux dire, on verra ce que l'UFC va vouloir faire. Ben là, ça devrait être Vitor Belfort. D'ailleurs, c'est l'un des préférés de Stéphane Vigneault. Puis la dernière fois qu'on s'est parlé, Belfort il était encore avec Affliction. Je pense que Affliction, ça marchait bien à ce moment-là. Mais là, tout a plein des choses ont changé depuis. Puis on avait déjà parlé à ce moment-là. Ben toi, t'avais amené ça. T'aurais aimé voir Belfort face à Anderson Silva. Puis là, bon, on peut penser que ça devrait se faire au début de l'année 2010. Est-ce que tu as hâte à un possible affrontement entre les deux Brésiliens? Ça, c'est sûr que je vais être devant la TV, ça, c'est sûr. Je ne vais pas manquer ce combat-là. Puis non, c'est sûr. Belfort, c'est une des premières vedettes que. C'est une des premières idoles que tout le monde a eues, je veux dire, avec quand le UFC est arrivé ici en Amérique du Nord. Puis, je veux dire, c'est un combattant excitant. Puis, on dirait que depuis ces derniers combats, il est remonté d'une coche. C'est le Belfort d'avant, puis c'est sûr que c'est le combat. Ce combat-là, je ne vais pas le manquer, ça, c'est certain. Oui, ben, parle-nous maintenant là, au Tristan. J'aimerais ça jouer un petit jeu avec toi. Bon, si on dit les gars, les meilleurs athlètes qui s'entraînent au Tristan, ben, il y a Georges, évidemment, qui nous a parlé de Mark Ward. Est-ce qu'il y en a quelques autres qui sortent un peu du lot également? Ben, si on regarde au niveau local, on a Derek Gauthier, c'est sûr que c'est un gars aussi qui tranquillement prêt de faire sa marque. J'ai toujours invaincu. On a Mike Ritchie aussi qui a eu un combat difficile la dernière fois, mais je veux dire, tout le monde peut pas toujours. C'est juste pas parce que tous tes combats, tu les gagnes rapidement, puis une grosse domination que je veux dire, tous tes combats peuvent être de même. Il y a des combats plus difficiles que d'autres. Mais Mike Ritchie, c'en est un autre qui va devenir un très grand avenir. John McDessie qui fait toujours des combats électrisants, un autre invaincu. Je veux dire, Thierry Canville, on peut pas parler des athlètes du Québec sans parler de Thierry Canville. Je veux dire, Thierry Canville, dans ma tête à moi, c'est le meilleur 145 livres au Québec. Puis la seule raison pourquoi Thierry Canville n'est pas au WEC, c'est un peu à cause de sa fiche des anciens combats qu'il a eu début de carrière, peut-être des mauvais choix, mais je veux dire, Thierry est là depuis longtemps, il se bat depuis presque 7-8 ans. Si on est dans les premiers qui est arrivé, c'est un peu normal qu'il y ait une fiche comme ça, mais je veux dire, sa fiche en fait s'est améliorée, puis il est sur la liste du WEC. Puis on nous a certifié que c'est un des prochains d'ici à faire sa place là-bas. C'est une des autres raisons pourquoi il n'est pas là, c'est parce qu'on a Yves Jabouin aussi. Yves Jabouin est un contract de WEC. Yves Jabouin est un des meilleurs 145 livres au Québec. Il est toujours excitant. C'est-à-dire, il a surpris tout le monde contre son combat contre Asensio. C'est-à-dire, il est arrivé au WEC en étant perdant comme 6 contre 1. Bon, tout le monde prévoyait une victoire facile d'Asensio par soumission en première ronde. Puis devant tout le monde, Jabouin, il a fait un 3-round décision, un combat très, très serré qui était très dur à juger. Puis le WEC a décidé de. Je veux dire, au WEC, c'est comme le UFC. Tu gagnes ton combat, tu es assuré de terminer ton contrat. Si tu perds, c'est eux qui décident, mais il va avoir son contrat et il va continuer de combattre là-bas. Son prochain combat est titulé pour au mois de, je pense, c'est janvier contre Mark Hominick. Un autre que tout le monde connaît ici. Et ça va être. Ces deux machines, là, deux gars. Rapide, je pense que c'est deux peut-être des plus rapides au monde. Ça va être des bons strikers. À 145 livres, je veux dire, c'est deux des meilleurs strikers. À 55 livres, c'est les deux meilleurs cogneurs au Canada, ça c'est certain, il n'y a pas de doute. Thierry est un autre qui va aller bientôt de Boissy, j'en suis certain. Je veux dire, on a Tom Murphy qui entraîne à Tristar qui va recombattre au mois de mars. Martin Desilets qui vient. Martin Desilets fait pas vraiment partie de l'équipe de Zahabi MMA de Ferraf, mais je veux dire, on est grand ami avec Steve Claveau, avec l'équipe de Steve Claveau, il vient d'entraîner avec nous aussi. Je veux dire, il nous aide, on les aide. Je veux dire, il y a Martin qui va combattre dans pas long aussi. Je veux dire, Dalen Logan, fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Dalen, mais Dalen commence l'entraînement dans pas longtemps. Puis il devrait combattre au mois de mars ou au mois de janvier, un des deux, soit Ringside ou MFL. Je veux dire, Dalen était prêt pour s'entraîner à cause de son travail. Puis présentement, il va pouvoir recommencer le training et combattre. Je veux dire, c'est un gars invaincu aussi qui est un des futurs à venir ici, je pense. Puis, on a beaucoup de gars, je veux dire, qui vont ressortir. On a beaucoup de gars au niveau de l'amateur qui vont débuter leur carrière professionnelle bientôt. Puis, c'en est d'autres que le monde va voir tout de suite, ces gars-là, ça va devenir des combats professionnels. On a Alexandre Garcia qui t'a parlé plus tôt aussi, qui commence sa carrière avec nous. Puis, On a une grosse équipe qui est en train de se faire, puis elle grossit toujours, je veux dire. Puis non, ça va. On a une bonne avenir qui s'en vient ici au Québec, je pense, en MMA. Je veux dire, le sport était en santé dans le passé. Il est venu un peu mort l'année passée. Donc, on dirait qu'il essaie de remonter, puis on a des bonnes athlètes pour nous soutenir. C'est quoi le combat rêvé, Stéphane, là, sur la scène québécoise, là, un combat, bon, que ce soit pour le ringside ou la MFL, peu importe, le combat là, qui serait le plus intéressant, qui également ferait venir le plus de spectateurs pour un événement, ce serait qui? Je pense que le monde parle beaucoup de Bossé contre Desilets. Oui. Le combat était beaucoup médiatisé. C'est sûr que c'est un combat qui attirait. On ne peut pas se le cacher. Bossé contre Desilets, ça attirait énormément de personnes. Ben, peut-être pas énormément de personnes, mais ça va attirer beaucoup de monde. La clientèle du MMA va se déplacer, moi, je pense, pour un combat comme ça. Juste la clientèle du monde du sport du hockey qui connaissent les Bossés et qui le suivent. Puis, ben, je ne penserais pas que ça va arriver bientôt et pas dans un futur rapproché non plus. Ah, mais pourquoi? Hein? Est-ce que tu sais? Parce que... Ben, moi, je sais que M. Desilets va combattre dans l'Ouest. Oui, OK. Je sais qu'il présentement, il n'y a pas sa licence au niveau du Québec. Il va pouvoir se mettre pour sa licence au mois de mars. Puis, je sais pas ce que Bossé, si Desilets a l'intention de se battre au Québec ou se battre dans l'Ouest, ou si Bossé, même chose. Je sais pas si Bossé veut combattre contre des Québécois, ou se battre contre plus des personnes de l'extérieur. Je veux dire, c'est sûr que se battre contre un Québécois, t'as plus à perdre que combattre contre quelqu'un de l'extérieur. Eh ben, j'ai un nom à te proposer. On a parlé il y a quelques jours, nous, à Cyril Diabaté. Je sais pas si tu le connais. Cyril Diabaté est un calibre international. C'est un gars qui... Bossé peut pas combattre contre un gars comme Diabaté présentement. Diabaté est un gars qui devrait être au UFC. S'il n'est pas au UFC, c'est lui aussi, c'est à cause de combats peut-être qu'il a perdu dans le passé. Même là, je suis sûr que si Cyril Diabaté devrait être au UFC demain, il était sur la série Ultimate Fighter. Je suis sûr qu'il est super proche de Dana White et toute l'équipe du UFC. Puis, je suis sûr que la seule raison pour le combat pas au UFC, vraiment, c'est parce qu'il veut faire d'autres combats ailleurs et améliorer sa fiche. C'est ce que moi, je crois. Oui. Je veux dire, il était entraîneur de l'équipe de Dan Anderson. Fait que, je suis sûr que s'il voudrait combattre au UFC, il pourrait combattre. Oui, ben on lui a parlé, puis nous, il sentait assez intéressé là de même venir ici combattre au Québec. Puis, ben c'est dommage parce que dans les catégories un peu plus lourdes au Québec, on a beaucoup d'excellents combattants à 145, 155, 170 même, mais rendu à 205, je trouve que des fois ça manque un petit peu. J'ai rien contre Jason Cécile, mais... C'est vrai, on n'a pas beaucoup de combattants au Canada à ce point. Bon, on a beaucoup de 205, mais les gars sont dans l'Ouest. On parle de Roger Hollett, qui combat toujours dans l'Ouest. C'est un gars de la Nouvelle-Écosse. Il y a une fiche de comme mon victoire, une défaite à Cognard. C'est le fils de, je ne me souviens pas de quel, de l'autre Hollett, qui est un champion canadien en boxe. C'est un très bon combattant à 205. Beaucoup de monde qui le connaît parce qu'il bat toujours dans l'Ouest. Il y a Victor Alimaki qui s'est battu au UFC, qui se bat dans l'Ouest. Il y a beaucoup de bons combattants à 205 dans l'Ouest. Au Québec, on en a moins un peu. On n'en a pas beaucoup, c'est sûr. Puis, c'est le même. Même en poids lourd et à partir de 205 et plus, au Québec, on n'a pas des gros noms. On n'a pas beaucoup de combattants. Mais je veux dire, à un moment donné, ça va développer. Je veux dire, Guillaume Vignon est un gars, mon cousin Guillaume est un gars qui est à... C'est un autre qui va arriver, il se bat poids lourd présentement, il se bat dans 2,35, mais quand il va débuter professionnel, il va se battre à 205. Puis d'après moi, c'est un gars on va en entendre beaucoup, beaucoup parler dans les mémoires. Moi, j'ai un peu ma propre théorie à pourquoi qu'il n'y a pas beaucoup de poids lourd, si on veut, de haut calibre, puis même dans l'UFC, puis mondialement, tranquillement, ça s'améliore là, dans la dernière année. Mais moi, je pense qu'avant, les grands athlètes, les meilleurs athlètes poids lourds, ils allaient pas beaucoup dans le MMA, ils allaient dans d'autres sports où c'était plus payant. Puis maintenant que le MMA va être plus populaire et tout, on risque de voir de plus en plus des bons poids lourds, je pense. Ça se peut, oui, t'as un peu raison là-dessus aussi, c'est sûr. Je pense un peu ça aussi. Là, bientôt, tu vois, regarde Ultimate Fighter, tous les joueurs de football qui viennent d'arriver dans la série. Je veux dire, j'essaie tout de transiger vers le MMA. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, je pense dans les personnes, dans les poids lourds et ces choses-là, on va beaucoup voir de joueurs de football collégial qui vont transiger vers le MMA. Puis dans un futur aussi. Puis c'est sûr qu'éventuellement, on va en avoir plus. Mais le Québec, on n'a jamais été vraiment reconnu pour avoir beaucoup de poids lourds ou des 205 et plus. Je veux dire, on a beaucoup de 185 et moins, disons. Hey, j'ai peut-être quelques dernières questions, Stéphane, pour finir en beauté. Je veux avoir une prédiction de ta part entre le combat Omenek et Yves Jabouin, puisque ben, tu connais bien Yves Jabouin, puisqu'il s'entraîne au Tristar. Tu connais bien également Omenek, parce que bon, tu l'as côtoyé, puis en même temps, tu l'as affronté également en 2005. Qui tu penses qui va remporter ce duel-là? Si on me dirait que 5 ans, je veux dire que moi j'ai affronté Dominique, puis je dirais peut-être gagnerait contre Jabouin. Mais présentement, le Jabouin qu'on a présentement là, je veux dire, en 2005 que j'ai affronté Dominique, puis jusqu'à 2009, les 4 ans de différence, notre équipe de TriStar, notre équipe de coach et tout, ça s'est amélioré, c'est garde à 300%, c'est incroyable maintenant le niveau qu'on est rendu. Puis Jabouin, il a pris ce niveau-là lui aussi. Puis Dominique aussi, je pense qu'il s'est amélioré puis qu'il a été aussi bon, ce qui est encore aussi bon, mais je veux dire. Anyway, je peux pas bêter contre mes partners. puis je veux dire, moi je suis avec Jabouin, puis j'espère que Jabouin va gagner. Puis j'adore Dominique, je compte Dominique partout, on se respecte énormément, puis j'adore Marc Dominique. Maintenant, il combat un de mes partners d'entraînement, un de mes amis. Soit que j'espère que Jabouin va gagner. Puis je pense que Jabouin peut gagner. Je sais pas s'il peut arrêter Dominique. Dominique a une très bonne mâchoire. Jabouin a une très bonne mâchoire lui aussi. Je pense pas que Dominique va le mettre sur le dos. Je pense pas que Jabouin va aller pour le mettre sur le dos non plus. C'est pas vraiment ces deux strikers. Mais je pense que Jabouin peut gagner une décision. Je veux dire, il est agressif, il a un bon jeu de pied, il bouge beaucoup. Je veux dire, il lance des bons crochets, des overruns, des choses comme ça. C'est aussi dangereux qu'un gars qui a une grosse portée. Puis je veux dire, ça va être un combat serré d'après moi, mais on verra au mois de janvier. On va tout avoir nos réponses à nos questions-là, mais moi, je souhaite une victoire de Jabouin par n'importe quoi. Ça va être un combat, je pense, incroyable. Puis l'un des préférés là, de Frédéric, c'est José Aldo, qui combat dans la WEC. Là, Aldo, présentement, je vois personne qui peut battre Aldo. Aldo contre Mac Brown, je pensais jamais qu'il pouvait faire ça à Mac Brown. J'avais mis Mac Brown gagnant. Il m'a fait avoir tort. Puis il a pas juste battu Mike Brown, là. Il a démoli Mike Brown. Puis je pensais que Mike Brown était le top. Je pense que WC va avoir à faire venir des gars du Japon, des gars comme Kid Yamamoto, des gars comme ça, pour combattre Aldo. Je veux dire, présentement dans le monde qui combat là, je pense pas qu'un gars comme Faber peut battre Aldo. Je pense pas qu'un gars comme Asensio peut battre Aldo, ces gars-là. Je veux dire, même Wagner et Aldo, c'est deux compatriotes de training, puis qui ne combattra jamais un contre l'autre. Mais présentement, je pense qu'Aldo, il est tout seul. Tout peut arriver, mais là, ses derniers combats sont tellement dominants. Je veux dire, je vois pas qui pourrait le vaincre là, présentement. Moi aussi, je suis d'avis. Moi, ça fait un bout que je suis osé Aldo. La seule chose en ce moment, j'espère qu'il va garder le sérieux, parce que c'est un jeune homme. Alors, j'espère que. À 22-23 ans qu'il a en ce moment, s'il continue à s'entraîner, là, le potentiel est incroyable chez Ozé. Je pense qu'Aldo, il réside au Brésil, puis il entraîne avec André Pardeneiras, puis je veux dire, je pense que tant qu'il va rester au Brésil, il va rester sérieux, il est juste à pas venir en Amérique du Nord, puis il n'y aura pas de problème, je pense. T'es-tu en train de dire qu'on a des mauvaises places à Montréal pour les athlètes, là? non, mais je veux dire, plus en Amérique du Nord, on va dire plus... Quand je vois les combattants, tous les combattants qui arrivent et qui déménagent, qui résident à Vegas et à Hollywood, des fois, ça change toute leur mentalité, leur perspective. Il y a des distractions, puis... C'est ça, il y a plus de distractions, c'est sûr, c'est différent. Ça, c'est dans les grosses villes, c'est des villes lumières, puis je veux dire, des fois, le training, il peut venir négliger. Je dis ça comme ça un peu là, pour rire, là, mais je veux dire... Je pense que c'est un peu vrai, puis c'est un peu vrai dans tous les sports professionnels aussi. Regardez au niveau du hockey, les petits jeunes qui arrivent à Montréal, puis c'est les mêmes choses des fois qui se passent. Ouais, là-dessus, Stéphane, on te remercie encore du temps que tu nous as accordé. Ça fut, Je peux te donner un autre scoop que peut-être que vous ne savez pas. Oui. Un autre combattant qui maintenant entraîne avec Firas, c'est Jérôme Le Banner. Eh hey, ben, je sais qu'il est allé faire un tour, mais là, est-ce qu'il va s'entraîner régulièrement? C'est plus qu'un tour. Il est venu la première fois qu'il est venu cet été, c'est parce qu'il venait en même temps, il tournait un film à Montréal. Fait qu'il venait s'entraîner tous les matins avec nous. Puis ensuite, là, il est reparti. Il est revenu s'entraîner encore. pendant une autre semaine. Il est reparti, puis il est revenu. Puis c'est Firas. Il veut que Firas soit son entraîneur. Puis il va combattre. Il me semble qu'il a dit qu'il allait combattre au Japon. Oui, ben là, c'est le New Year's Eve. C'est la grosse année, là, c'est le gros show de l'année. Je pense que c'est le 5 décembre, le K1 Grand Prix. Ah, ça, c'est... Je pense qu'il a dit qu'il allait combattre en MMA pour le New Year's Eve. OK, puis, au 31, tu veux dire? Le 31. Oui, le 31, je crois. Puis je ne vais pas dire de rumeur ou quelque chose, mais il me semble que quand j'étais avec Ferraz, puis avec lui là, puis il me semble qu'il a dit que il veut que Ferraz... Il va venir s'entraîner avec nous encore, puis il veut que Ferraz prenne soin de lui pour ce combat-là. Est-ce qu'il y a l'intention de se concentrer plus vers le MMA? Ou... Ben, quand il vient ici, il entraîne plus en MMA, puis il fait du Muay Thai aussi avec nos coachs de Muay Thai, puis il fait les pads avec Ferraz et tout le monde, mais je veux dire, c'est sûr qu'il a parlé de MMA. Et d'après moi, c'est pour le MMA. Puis je veux dire quelque chose, j'ai vu beaucoup de gens dans ma vie mettre les gants au niveau professionnel, en boxe, en MMA, puis le banner, c'est quelque chose. Il frappe fort, hein? Pas seulement le frappe fort, là. Le debout technique, le gars, il a 107 combats professionnels. Je veux dire, quand tu mélanges tous tes combats, les MMA, K1 et tout, il a 107 combats. C'est une expérience incroyable. Puis, je veux dire, le gars, il est grand, il est gigantesque. Je l'ai vu mettre les gants avec des gars comme Tom Murphy, des gars comme Martin Lillet, des gars qui sont gros, mais qu'à côté de le banner, il paraît petit. Fait que, je veux dire, il est vraiment bon, en plus. Il n'est pas juste gros et grand, je veux dire, il est très bon. Puis, c'est une expérience à voir. Juste de voir s'entraîner, pour moi, ça a été toute une expérience. Vas-y, Fred, vas-y. Oui, j'allais dire, il va affronter Sammy Schilt, il me semble, le 5 décembre, là, encore. Peut-être qu'il va affronter, peut-être qu'il affronte Sammy Schilt encore un. Mais moi, j'avais entendu MMA. Mais peut-être, au Japon, là, c'est beaucoup différent. Je veux dire, là-bas, tu sais, des fois, 2 semaines avant ton combat contre qui t'affronte. Non, mais Stéphane, t'as raison. Je pense qu'il est prévu qu'il combatte pour le K1 Grand Prix, qui est un tournoi avec 8 combattants le 5 décembre. Puis, je pense que t'as raison également. Le 31 décembre, il est également prévu pour un combat là, sur le gros show de l'année au Japon, où il y a une carte hybride, le K1 et MMA. Mais ça. C'est sûrement ça, parce qu'il a vraiment parlé de MMA. C'est-à-dire qu'il était là. Peut-être qu'il combat aussi au K1, mais peut-être qu'il fait juste les deux aussi. Est-ce que c'est possible? Ben, c'est possible, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait dans le passé. J'ai vu Sakuraba, qui était mon préféré. Puis là encore, même si je pense qu'il devrait prendre sa retraite, mais il a fait 2 combats coup sur coup, là, il y a pas très longtemps, dont une superbe victoire là à la Sakuraba. Je pense en même pas un mois, il a fait 2 combats. Mais ça, Thierry en a fait un en 27 jours. Ah, c'est... En 27 jours de différence. Ah oui, avec la MFL puis le Ringside. Ringside, oui. Mais ça doit être dur physiquement. C'est toujours un conditionnement physique. Thierry a un conditionnement physique incroyable. Le gars peut faire 20 rounds. Puis il a une bonne éthique de travail, il s'entraîne fort. Puis, je veux dire, on savait, il y avait déjà les 2 combats signés. Puis on savait que Thierry pouvait faire les 2. Si ça devenait le premier, il n'y a pas de coupure ou de blessure, cassure de même ou quelque chose, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il a fait son premier combat contre le gars d'Europe. Puis, je veux dire, il a été top shape. Il a juste brisé un ongle. Je pense que c'est décollé un ongle sur son doigt. Il a été juste ça, puis il était parfait. Puis, il a pris 2 journées de congé, puis après ça, l'entraînement pour l'autre combat. Puis, il n'y a pas de problème. Je veux dire, ça dépend toujours comment ton combat va aller. C'est sûr que comme des guerres, comme mon frère a fait contre Chamber, c'est pas fait blesser rien, mais c'est pas des combats comme ça que tu fais au 25 jours, on va dire. Comme là, Steve, il recommence l'entraînement cette semaine. Il a pris une semaine de break, puis pas de coup sur la figure. Là, c'est pas toujours bon de manger trop de coups non plus. Là. Non, ben absolument. Hey, ben, tu nous as parlé de Jérôme Le Banner, puis là, ça nous a recrinqué. Malheureusement pour toi, tu es encore un peu pris pendant quelques secondes. Là. Excuse-nous, Stéphane, d'abuser un peu de toi. Mais, pas de problème. Hey, Jérôme Le Banner, tu nous as dit que ben, c'était quelque chose. Ben, qu'est-ce qui t'a, Jérôme Le Banner, là, bon, debout, là, il y a personne ici, en MMA, il y a personne qui a ce calibre-là, ben, surtout au Québec. Non, non, c'est un calibre, il est tout ça, là, je veux dire, c'est un gars, là, on parle pas de seulement un gars qui fait du Muay Thai depuis 10 ans, là, on parle d'un gars qui fait du Muay Thai depuis peut-être des années, mais on parle d'un gars qui a combattu avec les meilleurs, qui était champion de K1, qui était champion de Muay Thai, on parle d'un autre niveau, là, c'est comme je te dis, on va mettre les gants avec Sébastien Demers, qui est champion, je sais pas, moi, canadien, ou je sais pas, quelque chose de même, mais non, on va mettre les gants avec Floyd Mayweather, tu vois, je veux dire. Oui. C'est c'est le même, c'est pas la même chose, là. C'est différent, je veux dire. C'est pas le même calibre de debout, là. On parle d'un debout, là, d'un autre niveau, là. C'est quand, du même calibre. Quand vous recevez que ce soit un Le Banner ou même un Kenny Florian, quelqu'un de, ou un John Jones, quelqu'un d'un gros nom quand même, c'est quoi l'approche? Est-ce que Firas, j'imagine, veut le modeler, si on veut, à un combattant qui a sa vision, ou est-ce qu'il va plus essayer juste d'améliorer? Ben, je veux dire que Firas, c'est un gars qui fait des années qui est dans les MMA, il étudie les MMA, c'est un gars, il est ceinturbon, il est sud-brésilien, il était champion en lutte, je veux dire, en moteur et partout. C'est un très bon entraîneur. Il va axer les forces de la personne, mais il étudie chaque combattant. Il va voir ses forces, ses faiblesses, puis il va travailler là-dessus. Mais il va pas essayer de changer quelqu'un complètement. Je veux dire, il va pas faire ça. Oui, il peut faire ça avec un débutant qui commence, un amateur, donc amateur, mais avec un gars de ces calibres-là, je veux dire, tu peux pas changer. On va dire, c'est comme si je prends Brock Lesnar, puis je peux pas enlever sa base qui est la lutte, tout, et son grand impact. On peut pas le remodeler en autre chose. On améliore ses forces, puis on améliore ses faiblesses aussi. Puis je veux dire, c'est le même qu'il fait avec tous les combattants. Je veux dire. C'est sûr que si le banner fait un combat en MMA, ben là, il va plus améliorer ses facettes pour les MMA, ça c'est certain. Puis c'est ça aussi, ça envisage aussi contre qui va combattre, ça c'est sûr. C'est toujours comme ça aussi. Hein. Et est-ce qu'en même temps, Firas va, j'imagine, être intéressé justement, et toi aussi, à voir le banner dans le stand-up, dans le Muay Thai, qu'est-ce qu'il peut apporter de nouveau à l'équipe? Ben oui, c'est sûr, mais je veux dire, ces gars-là, ils viennent ici, ils viennent plus pour. On parle. La seule différence, ça a été comme Kenny Florian, il a donné des 2-3 classes, comme ça, je veux dire, des 2-3 petites cliniques. Mais les autres combattants viennent pour s'entraîner eux autres. Je veux dire, c'est sûr que ça aide nous, puis ça aide eux aussi. Je veux dire, Kenny Florian qui vient ici, oui, il nous aide, ben on l'aide autant qu'il nous aide. Je veux dire, il vient ici pour mettre les gants avec Richie, mettre les gants avec McDessy. C'est-à-dire, comme là, il entraînait beaucoup avec De Lorenzi a un style similaire avec les Guido un peu, plus lutteur grand impound. Fait que, on l'aide envers pour ses combats, puis il nous aide pour les combats des gars. Puis c'est un peu ça. C'est sûr que c'est comme que mon frère Steve, c'est-à-dire, il a mis les gants avec Tom Murphy tous les vendredis, il faisait 2 rounds avec lui, plus un round avec l'oiseau, plus un round. Après avoir mis les gars avec ces gars-là, je veux dire, arriver dans le ring, c'est rien. Hein. Après avoir mis les gants avec un gars comme Le Banner, avec un gars de 250 livres, 6 pieds 3, là, qui a un niveau debout incroyable de même, tu n'as pas vraiment à avoir peur d'arriver dans la cage après ça contre Dan Chamber. Je dis pas que Dan Chamber est très connu aussi, mais je veux dire, c'est pas la même chose, là, je veux dire. Pas le même niveau. Là. En tant que coach, j'allais dire qui que tu aimerais amener au gym qui est jamais venu à. Au TriStar, si tu aurais le choix. Si j'aurais le choix, je peux pas dire, mais il y a tellement de monde qui est venu. La plupart de moi, les gars que moi je préfère est venu. Si tu m'aurais dit, voilà, 3-4 ans, j'aurais dit BJ Penn, là, avec l'histoire avec George, là, j'ai dit, oublie BJ Penn. Mais je sais pas, je couture et quelqu'un que j'aimerais bien venir voir au gym. Je veux dire, présentement, je veux dire, toutes les grosses personnes que vous pouvez penser viennent entraîner avec nous. L'équipe de Jackson au complet, Roger Huerta. J'ai eu la chance de mettre les gants avec Roger Huerta, avec Donald Cowboy Cyron. Ces gars-là, je veux dire, pour moi, c'est aussi gros que les autres personnes. Je veux dire que si j'aimerais savoir un gars comme Couture venir, je veux dire, peut-être un gars comme Tito Ortiz, ça serait le fun. Mais je veux dire, présentement, on a une grosse équipe. Je veux dire, on a le meilleur au monde de niveau, on a George, puis je veux dire, c'est après que les gars, quand les gars font des rounds avec George, on peut pas avoir vraiment mieux que ça. Est-ce qu'il y a encore un froid, Stéphane, entre Fabio Holanda peut-être et le clan Georges Saint-Pierre? Parce que Georges est quelqu'un, il va. Tu sais, Georges est quelqu'un de très respectueux. Je sais pas si vraiment lui encore il y a un froid, mais je veux dire, c'est sûr que c'est quelque chose, ça lui affecte quelque chose. Mais je peux pas te répondre à ça s'il y a un froid présentement. Mais c'est sûr qu'on dirait qu'il y a un petit genre de froid que le monde ne voit pas, mais je veux dire, j'ai pas été chez Fabio depuis un très bon bout de temps. Je pourrais pas dire. J'étais un des seuls combattants qui entraînait avec Fabio et qui entraînait avec Firas. Puis, je veux dire, mais Firas est mon premier coach depuis toujours. Puis, je veux dire, Firas est comme mon père. Puis, je veux dire, par pur respect par Ferraz et par Georges, j'ai quitté BTT, puis j'étais allé BTT. Ça faisait 5 ans que j'entraînais avec, quasiment presque 5 ans, 4 ans avec Fabio. Mais je veux dire, j'adore Fabio, je l'adore, mais je veux dire, à un moment donné, je pouvais pas faire comme ça. Je pouvais pas rester au milieu de ces petits froids-là, puis je me sentais mal à l'aise. Puis c'est ça. Moi, je me suis rendu du côté de Ferraz, parce que Ferraz, toutes mes années, j'ai été avec Ferraz. Sans Ferraz, j'aurais pas eu mes petits succès de ma carrière. Les petits succès de ma carrière que j'ai eu, je l'aurais pas eu sans lui. Je veux dire, on dirait qu'il y a un petit froid, mais je veux dire, je peux pas vraiment le dire. On n'a pas jamais eu vraiment de combattants qui ont combattu contre les gars à Fabio de BTT, à part Georges qui a combattu Alvarez, puis que Fabio était avec Alvarez. C'est à peu près tout ce qu'on a eu. Pour expliquer un peu la situation, c'est que Fabio Alanda, qui est un coach de Jiu-Jitsu de BTT Canada ici à Montréal, il est allé, je pense, aider Thiago Alves lors de sa préparation de son combat face à Georges. Si on regarde ça, ça dépend comment faut regarder ça. C'est sûr que Fabio a déjà entraîné Georges, est entraîneur de Georges, il lutte au même club de lutte aussi, c'est sûr. C'est sûr aussi que BTT est affilié avec America Top Team depuis le début. C'est sûr que c'est des amis, c'est des alliés. Depuis avant que Georges était supposé se battre contre Alvarez. On ne sait pas comment voir ça. Tu peux voir ça, c'est d'un côté business aussi. Mais tu peux voir ça, le mauvais œil aussi, c'était un peu pour, tu sais, je veux dire, pour aider Alvarez, vu que Fabio connaissait un peu peut-être les choses de Georges. Mais tout le monde peut voir ça un peu différemment. Mais je veux dire, anyway, là-dessus, tout le monde a sa propre opinion. Oui, ben. Et aussi le fait que Georges ait donné une bonne raclée quand même à Thiago, malgré, je pense, une blessure qui l'a affecté pendant une bonne partie du combat. Disons que Thiago Alves remportait le combat à ce moment-là là, par soumission. Là, je pense que le froid aurait peut-être été un peu plus accru, mais là, ça s'est bien passé. Puis, dans le fond, je pense que le temps va arranger les choses. Hein. Ouais, c'est plus ça que je pense moi aussi. Je veux dire, on verra dans le futur, là, moi, je veux dire, on se connaît tous dans ce sport-là au Québec. Tu sais, au Québec, à Montréal, c'est quand même une petite tout le monde se connaît au milieu des mémoires. Je veux dire, on est pas tellement de personnes, tellement d'équipes, de grosses équipes. Puis je veux dire, moi j'ai beaucoup d'amis chez BTT, j'ai tous mes amis à TriStar. Je veux dire, moi je suis un gars qui respecte tout le monde. Moi je fais pas que de ça un peu. Je veux dire, c'est rendu un niveau trop gros, là, dans le niveau de genre de choses-là. Puis non, je veux dire, ça reste aussi un niveau business aussi. C'est sûr que Fabio, c'est sa job. C'est sa job, c'est son gang-pain. Puis c'est sûr que George aussi, ça dépend comment qu'on voit ça. Du monde va dire que c'est un de l'autre, du monde va dire que c'est un de l'autre. C'est sûr que, sur le coup, tu trouves ça un peu irrespectueux, mais... Je veux dire, après ça, tout le monde fait sa propre opinion. Je veux dire, moi, j'aimais mieux me ranger à côté. Puis, je veux dire, de quitter BTT. Puis, Georges est quand même un de mes bons amis. Puis, je veux dire, Ferraz, c'est comme mon père. Puis, je voulais pas me mêler de ça. Je me suis rangé à côté. Puis, je m'en ai été de ce côté-là. Ça me fait penser un peu au combat de samedi dernier entre Anthony Johnson puis Josh Koscheck, où ce que Conley avait passé du temps déjà. Dans le passé avec Johnson. Et c'est ça, toi, ça t'es-tu déjà arrivé de combattre contre quelqu'un que tu considères vraiment un ami ou de devoir coacher contre quelqu'un que tu considères vraiment un ami? Vraiment un ami, ça n'a pas vraiment arrivé, non. Il arrive des choses un peu drôles, je veux dire, comme quand j'avais une première fois que j'ai affronté Stéphane de Liberté, je le connaissais super bien, puis la veille, nous, le combat, on a mangé à la même table, puis on était dans la même voiture pour tourner à l'hôtel, puis le lendemain, je me suis battu avec lui. Ça a été le vrai le plus proche, là. Mais je veux dire, tu sais, au Québec, quand tu bats contre des Québécois, on se connaît vraiment tous, pas quand même. On n'est pas tous des amis, mais je me suis battu contre l'agacé. On n'était pas amis, mais on se côtoyait souvent, puis on se le disait même dans les galops de l'avant, on pense pas qu'on va se battre un contre l'autre, puis on est au Québec. Puis ça a donné comme ça, mais je veux dire, un combat, c'est un combat, puis non, je veux dire, c'est sûr que ça m'a vraiment jamais arrivé, puis j'espère que ça m'arrivera pas, mais je pense pas que ça va m'arriver, je veux dire, parce que ma carrière est un peu sur la sellette, là, mais je veux dire, ça m'a pas vraiment arrivé dans ma carrière. Je veux dire, j'ai toujours essayé d'affronter le plus possible des personnes de l'extérieur, le moins de Québécois possible. Je disais toujours aux promoteurs que j'aimais mieux affronter des gars de l'Ouest ou même des Américains ou n'importe quoi qu'affronter quelqu'un d'ici. Puis, je veux dire, tu perds contre un Américain, tu n'en entends plus parler la semaine d'après, mais tu perds contre un Québécois, tu vas en parler pendant le reste de l'année. Là-dessus, Fred, est-ce que tu as d'autres questions? Non, moi, ben, c'est super intéressant. Je te remercie beaucoup, là. C'est bien intéressant. J'espère qu'on refera ça bientôt. Il n'y a pas de problème, moi, toujours disponible. Ben, merci beaucoup, Stéphane. Puis on te souhaite bon succès pour le Fight Quest. Ce sera déjà la 10e édition, je pense. Le 19 décembre, mon scratch à Laval. J'ai tous les meilleurs prospects au Québec qui combattent à Fight Quest. Je veux dire, Fight Quest, on a Mike Ritchie, John McDessie, Dylan Logan, Stéphane Chrétien, tous les petits Québécois qui s'en viennent, ça vient tous de Fight Quest. Des gars qui ont presque été invaincus à Fight Quest. Puis, je veux dire, là, on a une bonne carte, on a 15 combats, puis ça va être juste pour bien terminer l'année en beauté. C'est le 10e événement. Puis ça s'annonce près encore plein. Puis il y a mon petit cousin Guillaume Pignot qui devra faire son dernier combat-là. Ça donne une victoire. Il va passer professionnel en 2010. Puis on a tous les gars de plusieurs équipes de l'Ontario, les gars de Québec, Nordic Fight Club, Légion, Team Bergeron, TriStar, Fit MMA, on a des combattants de toutes les équipes au Québec puis autour de l'Ontario. Puis on s'en vient gros, puis on espère que ça va nous aider, ça va. On essaie de continuer nos choix et de pousser le sport puis nous emmener d'autres vedettes québécoises. Mais parfait. Ben, lorsqu'on va se reparler, peut-être que Belfort aura battu Anderson Silva. Non, j'espère, j'espère. on te le souhaite, Stéphane. Puis quand on va se reparler, on se parlera également de ce qui se passe sur la scène québécoise. Parce qu'il y a plein de sujets qu'on aurait pu se parler. Christophe, pas Christophe, mais Christopher Boisvert, je pense, qui était. Christophe Boisvert, oui, il y a eu une blessure à l'aine, une blessure qui était quand même assez sérieuse. Il n'a pas pu s'entraîner pendant 2 ou 3 semaines. Il devrait revenir dans les prochains galas. Je veux dire, Christopher, c'est un gars que j'entraîne en jiu-jitsu à Drummondville, je donne les classes là-bas, puis t'en as un autre grosse future vedette qui s'en vient. C'est malchanceux à son année combat, mais son année combat reflète pas les qualités athlétiques puis les talents de Chris Boisvert. Ben, on se reparle de tout ça la prochaine fois. Ben, merci beaucoup, Stéphane. Encore une fois, c'était un vrai plaisir. Ben, il n'y a pas de problème, puis à la prochaine. Hey, salut! Au revoir. Bye.